à C'est fou pour l'écouter. 89.1. Bonjour et bienvenue à la portion nouvelles entrées des palmarès C'est fou pour la semaine du 30 octobre au 5 novembre 2017. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin, on est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières. Nous voilà enfin. Oui, je m'en vais dire bon matin, mais écoute. Que voulez-vous? On est, nous, en direct le lundi et le QTR était sans courant depuis la nuit. Oui, elle était fermée aussi, sachez-le. Fermée, hors service pour cause de panne d'électricité. Donc, il n'y a pas eu d'assemblage requis ce matin. Nous sommes la première émission sur nos ondes en ce lundi midi 4. Exactement. Et sachez, pour ceux qui ont peut-être lu sur Internet ou quoi que ce soit, le campus a été réouvert et les cours recommencent là, à partir de midi. Ah oui, bon. Donc, c'est pas annulé. C'est ça. Ceux qui ont pensé avoir de nouveaux auditeurs ce matin, mais non. C'est ça. Ils sont partis en cours, eux autres aussi. Exactement, on est désolés. Donc, on a juste une heure ensemble. Commençons tout de suite en parlant de ce qu'il y a dans les palmarès côté nouvelles entrées et autres. J'en trouve trois du côté anglophone. Donc, plus tard, on aura The Deep Dark Woods, J.D. McPherson et Enter Shikari. Et du côté francophone, eh bien, seulement deux entrées pour cette semaine. Deux nouvelles entrées. Bleu Nuit, mais on commence tout ça avec Paupières et Cours Toujours. Tout de suite, dans les palmarès, c'est fou. Au 89 FM. Toujours des cours. Cours Toujours. Tout le temps. Cours Toujours. Nouvelle entrée. Are you staying awake for the liftoff tonight? You'll never believe the sights tonight, the sights tonight, the sights. Are you staying awake for the liftoff tonight? You'll never believe the sights tonight, the sights tonight. Mr. Magpie, you got distracted by the gleam of the diamonds as you flew by. But their gold glint does not impress when there's a billion stars in the sky. I sit gripping my pen like a bread knife as I write. I'm leaving this earth for the stars tonight. Now I'm running towards the flight. Now I'm boldly go into the great unknown. And let's go Jack Rousseau. I give you my mind to be blown. My head's a bit stir-fried. It's over now, and I'm a little unqualified. But fire up the rockets. Obsession! Atsushikari! Et la pièce de Sight, nouvelle entrée en position numéro 20 sur l'album de Spark, Enter Shikari, qui est un groupe de rock britannique formé à St. Albans dans Hertfordshire en Angleterre en 1999 sous le nom de Hybrid, H-Y-B-R-Y-D. Ils ont changé ça pour Enter Shikari. Et ça paraît que c'est un groupe britannique parce que leur page Wikipédia a des R à la place de Is partout. Enter Shikari R, a British rock band, alors qu'en français, on dit que le groupe est un groupe de rock et non pas le groupe son. Mm-hmm. Comme dans Enter Shikari, son, ça se dit pas. Non, en effet, pendant que du côté francophone, eh bien, la 20e place, c'est un band qu'on connaît déjà qui était dans le dernier palmarès avec une autre pièce, Ses paupières avec Cours toujours. Donc, une première en 20e position cette semaine. On va voir à quelle vitesse est-ce qu'ils vont se rendre dans le top 5, peut-être. Absolument. Ça va vite des fois avec ces petits groupes francophones-là. Okay, oui. Il nous reste 3 nouvelles entrées, donc on va se les clencher d'un coup sec. Plus tard, on aura en anglophone de Deep Dark Woods ainsi que J.D. McPherson. Mais on commence tout ça avec la 19e francophone, la dernière nouvelle entrée du côté français. Mm-hmm. C'est une tempête de bleue nuit. Au palmarès, c'est Sif. Au 89.1. Cash, don't be nouvelle entrée. Entrée. We'll be right back. the lonesome is her song. Ever since she left me, the nights have been so long. Oh Lord, don't you hear me calling? Lord, won't you set me free? Like the thousands and thousands of thorns. I'm torn and I'm broken. I'm lonesome and so blue. On the 14th day of April, I was gonna marry you, but now you're dead and buried all along the trees and the thousands and thousands of fallen leaves and the thousands and thousands of The Deep Dark Woods avec Fallen Leaves sur l'album Yarrow, nouvelle entrée en 18e place anglophone. C'est un groupe de country alternatif canadien qui vient de Saskatoon. Ouh là là! Du côté francophone, eh bien, on a entendu la dernière nouvelle entrée qu'on allait vous présenter aujourd'hui. C'était Une Tempête du groupe Bleu Nuit. Bleu Nuit, ils viennent de Montréal. Et c'est aussi Yann Skeen, Maxime Sans Chagrin, Nicolas Gaudreau et Raphaël Bottero. C'est ça l'information qu'on trouve sur eux. C'est tout. Et entre les deux, JD McPherson avec Crying's Just a Thing That You Do sur l'album Undivided Heart and Soul. Et JD McPherson, lui, c'est un jeune homme de 40 ans, auteur, interprète et guitariste. On le connaît de Broken Arrow en Oklahoma. Donc les gens là-bas le connaissent. OK. J'imagine. Oui. Non, connu pour son son rétro rock and roll, rhythm and blues, rockabilly, qui sonne un petit peu années 50. Donc voilà pour JD McPherson. Et on a aussi sauté par-dessus la position numéro 18 francophone, qui est par Corridor, Coup d'épée. Oui, exactement, parce que bon, ça fait quand même un bon petit bout de temps qu'elle est au palmarès et on s'est dit qu'on allait vous donner les nouvelles entrées. Tout voilà, et pas nouvelles, que voulez-vous? Ben oui, c'est comme ça. On y va pour ça, numéro 17 maintenant en anglophone. Ça descend de 6 places pour Woolworm avec Poolworm. Non, Woolworm avec Deserve to Die. Exactement, et du côté francophone, eh bien, on descend de la 8e position. On parle du band et non pas de la ville. C'est Nicolet et la Mystification. Dans les palmarès, c'est fou. Au 89 FM. Une vraie jungle, tout ça. Yeah. 89.1 FM. 89.1 FM. Woodworm et Deserve to Die. C'est la position numéro 17, ça descend 6 places, 7e semaine de présence sur l'album qui porte le même titre, Deserve to Die. Du côté francophone, on a descendu de la 8e position pour La Mystification et Nicolet. Continuons tout de suite avec les prochaines positions, c'est-à-dire les 16e en anglophone, Always avec In Undertow. Et du côté francophone, eh bien, on descend de la 7e position pour WD-40 et La Mer des Tourments. Au palmarès, c'est fou! Au 89 FM. Ah, tantôt c'est la forêt, là c'est l'éclair. Ouais, on va sûrement tomber en ronde bientôt. Let's c'est la pièce In Under Tow. C'est la position numéro 16. Ça descend de 8 places. Donc, tu sais, 16 moins 8, ça fait 8. Oui, c'est ça, exactement. Du côté francophone, eh bien, la 16e position a descendu de la 7e place. C'était La Mère des Tourments de WD-40. Ça, si je voulais montrer ma supériorité en mathématiques, ça n'a pas super bien marché, je pense. Non, c'est ça. Non, bref, hein, chacun ses talents. Oui, tout à fait. Position numéro 15 maintenant en anglophone, c'est Emily Haynes and the Soft Skeleton, qu'on adore. La pièce s'appelle Statuette et ça descend de la 7e place. Eh bien, du côté francophone, on monte cette fois-ci de 3 positions parce que la semaine dernière, on était en 18e place. Voici Zen, Bamboo et Poupée Vaudou. Bamboo! C'est pas mal, c'est fou! Au 89 FM! Emily Haynes and the Soft Skeleton, le morceau Statuette, qui est sorti de la 7e à la 15e place anglophone. Du côté francophone, et bien comme je le disais tout à l'heure, on a monté pour une première fois ce lundi midi. Oui. Ou ce premier segment, tout dépendant de quand vous écoutez. Eh bien, c'était la mère des tourments de WD-40. Ouais. Non, même pas. Poupée Voodoo de Zen Bamboo. Quand tu vois, je m'en serais même pas rendu compte. Je lisais pas abonné. C'est ça. Est-ce que c'est moi ou ta voix commence à avoir un petit... Voyons, de quoi tu parles? Fébilité un peu comme la mienne. Je vois pas de quoi tu parles. On suit, hein, pas mal. Ouais. On suit. Exactement. Tout va très bien. Ça va numéro un. Ça, nous, on fait de la radio, puis nos voix marchent pas. La radio diffuse pas pendant une demi-journée. C'est des choses qui arrivent. Hein? C'est comme ça. Ça arrive. Passons aux prochaines places. Oui, 14e en anglophone, Dead From Above 1979, qui descend de la 3e, Never Swim Alone. On descend de 3 positions du côté francophone. Voici Keith Kuna et Sheriff. Dans les Palmarès, c'est fou! Au 89 FM. Oh oui. Mon père est pays, ma mère est patrie. Mon père est drapeau, ma mère est chaos. Mon père est profit, ma mère est crédit. Mon père est marron, ma mère est macro. Mon père est pourri, ma mère est mépris. Mon père est barreau, ma mère est cachot. Mon père est tubi, ma mère est boucherie. Mes vieux sont tarés, et moi je vais pas voter. Bonsoir chef. Bonsoir chef. We'll be right back. ha ha. Then from above 1979, They Never Swim Alone. Qui descend de la troisième place maintenant en quatorzième position sur l'album Outrageous Now. Et du côté francophone, eh bien, de l'album Bonsoir Shérif, c'était la pièce Shérif de Keith Kuna du côté francophone en quatorzième position. Voilà. Cela dit, le temps passe et on n'a pas le temps pour entendre les prochaines pièces dans notre case horaire. Donc on se quitte là-dessus. On se retrouve pour la portion mishmash de retour après trois semaines d'absence. Tu seras pas là, malheureusement. Mais bien cette, non, je suis désolée, je retourne. Oui, tu retournes d'où tu proviens. À mes vieilles habitudes. C'est ça. On va être donc en direct tous les jours, du lundi au jeudi, entre midi et 13h, en rafale, édition week-end, les samedis à partir de midi. Merci, Tania Baudin. Merci à toi, Mathieu. À la prochaine. Bye.